J'aime me sentir prisonnier de tes bras. J'aime tes yeux cherchant les miens pour y lire la sincérité de notre amour. J'aime tes lèvres qui s'offrent en souriant à l'appel des miennes. Ton regard brillant de désir qui semble fuir le mien, comme si les appels de ton corps ne t'avaient déjà trahi. J'aime ta main qui sait avec tant de douceur dégager les mèches rebelles de mon front moite après une étreinte passionnée. J'aime tes longs cheveux qui, enfin libérés de l'esclavage artificiel de la coiffure, couvrent avec pudeur la sublime nudité de ta gorge. J'aime l'inaltérable source que sont tes lèvres, auxquelles je viens avec tant d'amour me désaltérer. J'aime ces instants de rêve quand nos lèvres unis dans un long baiser, nous nageons dans un univers de bonheur. J'aime nos silences qui n'en finissent pas, les mille et une caresses plus douces et plus osées dont je te couvre pour mieux les recevoir. J'aime tout ce qui est toi, tout ce qui est toi et moi, puisque j'aime tout ce qui est nous. J'aime la promesse de vie que nous sommes, que nous représentons et en accepte l'augure. J'aime l'idée de l'enfant qui viendra au travers de nous et que nous aimerons assez pour ne pas en faire notre propre reflet. J'aime l'homme et la vie que symbolise si bien ta main dans la mienne. J'aime le chemin déjà parcouru et celui qui nous reste à parcourir. J'aime à vivre assez, je crois, pour accepter la mort.